Chapitre 4. Je le suivis avec précaution, m'accrochant au moindre saillie pour résister au vent, et nous enjambâmes un petit mur. Cette escalade faite, nous nous trouvâmes dans la cour intérieure. Les fenêtres de ce côté étaient défendues par des barres de fer. Nous nous attaquâmes à la porte qui ouvrait sur la cour, et nous reconnûmes qu'elle était solidement verrouillée à l'intérieur. Évidemment, personne n'avait pu quitter le corbeau par là. « Je vous le disais bien, » répéta mon compagnon, tandis que nous regagnions la route. Il n'aurait jamais eu l'idée de s'échapper. Peut-être, ayant commis un crime épouvantable, redoute-t-il la justice plus que l'inondation, fis-je observer. Peut-être espère-t-il que nous allons partir pour Falconeau afin de chercher du secours et pendant ce temps-là. L'homme m'interrompit. De qui parlez-vous? Des domestiques, parbleu. Il secoua la tête. Depuis 15 ans et plus, il n'y a pas de domestique au corbeau. Quant à demander du secours, il est inutile d'aller jusqu'à Falconeau. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on entend ma musique. Je ne souffle jamais cet air-là que si les eaux deviennent dangereuses. Nous aurons du monde ici tout à l'heure. Allez. La plus grande partie de la population a été sur pied toute la nuit, et bien des gens ne se sont pas couchés l'autre nuit non plus, car depuis la semaine passée, le feu n'a constamment soufflé plus ou moins fort, et il est descendu une énorme quantité de neige fondue du grand glacier là-bas. Tous les ruisseaux débordent. Attendons. Si les habitants du corbeau doivent être sauvés, supposez que le Schwarzbach continue à grossir de ce train-là, il faudra plus que vos efforts et les miens pour les tirer d'affaire. Il s'assit sur un banc devant la façade de l'auberge en m'engageant à l'imiter. J'eus beau insister, il soutint son opinion sans en démordre. « Regardez, » dit-il enfin, m'indiquant le haut de la route. « Ne voyez-vous pas quelque chose comme un point lumineux qui change de place dans la direction de Falconeau? C'est une lanterne, le secours arrive. » Reconnaissant l'inutilité de toute entreprise isolée, je me laissai tomber sur le banc, déterminé à attendre la fin de l'événement. Mais auparavant, je priai le guetteur de beugler une fois encore de toute sa force. Il le fit, mais sans résultat, la maison resta close. « Au nom du ciel, » repris-je, « quels sont ces gens-là? Vous dites qu'il n'y a pas de domestique au corbeau. Ce jeune homme, pourtant, cette fille, cet idiot, parbleu, ce sont les enfants de l'hôtesse, » répondit le guetteur. « Ses enfants ? » ?»« Oui, 2 fils et 1 fille. Il y avait une autre fille, l'aînée, mais elle a disparu depuis des années. Les uns disent qu'elle est morte, d'autres disent qu'on l'a envoyée en Argovie. Moi, je ne sais pas. » Les bruits que j'avais entendus me revinrent à l'esprit avec un redoublement d'horreur. Ce cri de « mère » prit alors une signification qui me glaça. N'avez-vous donc rien remarqué? Dit le guetteur. N'avez-vous pas pu voir? Voir quoi? Ils ne sont pas sains. Et du doigt il toucha son front. Fou? Mon Dieu, à peu près. Ils sont plus mal dans certains moments que dans d'autres. Mais l'hôtesse, oh, celle-là n'est pas folle. Non, la bonne femme a la tête solide et de la volonté donc. Il est curieux que ses enfants soient ce qu'ils sont. On dirait un sort jeté sur la famille. C'était dans le sang du vieux Zacharie Dietrich, son mari. Vous ne prétendez pas dire que cette femme vive là, enfermée seule avec des fous. Que voulez-vous? Ce sont ses propres enfants. Soit. Mais on devrait s'occuper d'eux, les placer dans quelque hospice. Jésus-Marie. Qui oserait dire pareille chose à la Dietrich? Elle n'admettra jamais que ses enfants aient l'esprit dérangé. Et puis, ils ne sont guère dangereux. Du moins, leur mère sait bien les mettre à la raison. Ils font beaucoup d'ouvrages. Elle les force à travailler ferme. J'ai vu la fille, Teresa, porter des charges sous lesquelles un homme aurait plié, elle qui n'a que la peau et les os. Et ils bêchent, et ils battent en grange, et ils travaillent au champ tout l'été. Est-ce que cette Dietrich est trop pauvre pour avoir d'autres serviteurs? Oh, ils sont à leur aise. Les Dietrich et les Barthes, la vieille s'appelait Anna Barthes, passaient pour les plus riches des environs. Quand ils se sont mariés, j'ai entendu dire que la maison était une merveille. Elle regorgeait de belles et bonnes choses. Son cellier n'avait pas de rival dans tout le canton. C'est que le vieux Zacharie aimait le bon vin. Il avait été en France au temps de sa jeunesse. Il s'était habitué à bien des recherches que les gens d'ici ne connaissent pas. Oh oui, elle aurait le moyen de se procurer tout ce qu'elle voudrait. Mais quant à des domestiques, qui donc resterait, je vous le demande, dans une pareille baraque? Après la mort du vieux, le dernier domestique est parti. Tout le monde avait peur. Comme je vous l'ai dit, la maison est hantée. De ce côté-ci, âme qui vive ne voudrait entrer à la nuit tombée. Mon homme bavardait volontiers quand une fois on avait réussi à mettre sa langue en mouvement. Tandis qu'il continuait ses tirades sur le malheur des familles qui ont la folie dans le sang, je me demandais quel spectacle nous allions affronter. Des hurlements, les rires sauvages auxquels tout à l'heure je n'avais trouvé rien d'humain, s'expliquaient. Mais ces autres cris de douleur, ce bruit de lutte, que signifiait-il? Combien il me tardait de renverser les barrières qui nous séparaient d'un meurtre, peut-être. Cependant, les eaux montaient rapidement. Déjà, pour traverser le Schwarzbach, un homme aurait enfoncé au-dessus du genou. Si rapide, si violent était le courant, qu'il eût été presque impossible de ne pas perdre pied au milieu. La retraite était donc coupée vers le bas de la vallée. Dans la direction de Falkenau, le chemin restait encore libre. Mais combien de temps serait-il ainsi? Enfin, les lumières de la route approchaient. À plusieurs reprises, je leur criai de se hâter, bien que le guetteur m'affirma que ma voix ne se ferait pas entendre, fût-ce à deux pas dans ce tumulte des éléments. La bande arrivant de Falkenau se composait de 7 ou 8 hommes, dont 3 portaient des lanternes et les autres des cordes, des haches, etc. Il y avait une pile de bois de construction à peu de distance du corbeau, et l'on espérait, en amoncelant des troncs contre la rive du Schwarzbach, détourner le courant. Le danger le plus grave vient de ce que les eaux rongent le sol et peuvent arriver ainsi à miner les fondations des bâtiments. « Qu'est-ce qui se passe, Aloïs ?» demanda au guetteur l'un des habitants de Falkenau. Le guetteur répondit qu'il veillait depuis 9 heures du soir. Il était maintenant un peu plus de minuit, et que les eaux avaient monté d'une façon effrayante dans ce court espace de temps. J'insistai pour que les nouveaux venus entrassent dans l'auberge avant d'essayer de lutter contre l'inondation. Quand je racontai ce que j'avais entendu cette nuit même, plusieurs expliquèrent le fait en disant que sans doute les fous s'étaient querellés. Un homme grommela quelque chose sur les revenants et proposa d'envoyer chercher le prêtre. Mais le plus autorisé de la compagnie, qui se trouvait être le forgeron du village, convint avec moi qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour forcer l'entrée de la maison. Il avait dit, des années auparavant, qu'il arriverait quelque malheur si cette nichée de fous restait sans autre surveillance que celle d'une vieille femme. « Elle les traite durement, voyez-vous, » continua le forgeron, qu'on appelait Lorenz. « Et bien qu'ils aient peur d'elle, ils peuvent profiter d'une occasion pour se venger. Les fous sont rusés. » Il fut décidé que nous diviserions nos forces. 6 hommes se chargèrent de traîner les pièces de bois de charpente au bord du Schwarzbach, pendant qu'Aloïs, le guetteur, Lorenz et moi, nous entreprendrions l'assaut par la porte de derrière, qui semblait moins massif que l'autre. Lorenz, brandissant un grand marteau d'enclume, nous pria de lui laisser le champ libre et frappa sur le panneau de la porte d'un coup qu'il enfonça. La vieille serrure de fer et les gonds tinrent bon, mais le bois, vermoulu, tomba en morceaux. Après cet exploit, nous attendîmes en silence, comptant sur quelques mouvements à l'intérieur. Il ne s'en produisit aucun. Tout à coup, une note aiguë vibra, persistante et mélancolique. C'était l'idiot qui chantait ses litanies. Nous reculâmes tous 3 en frissonnant. Aloïs se signa d'épouvante. L'effet produit par cette voix qui chantait, inconscient du danger et de la mort, était terrible au-delà de toute expression. Alors Lorenz, écartant les débris de la porte, se fraya un chemin du bras et de l'épaule. Nous le suivîmes. La porte de la cuisine était ouverte. Là, auprès des tisons qui achevaient de mourir dans l'âtre, était assis l'idiot, se balançant devant le feu. Il nous adressa un sourire, qui découvrit toutes ses dents, et ne donna aucun signe de surprise ni de frayeur. « Eh bien, Hansli, » dit le guetteur allant à lui, « où est ta mère? Où sont les autres ?» Il ne parut pas comprendre, et continua de montrer ses dents et de balancer la tête. « Inutile de le questionner, » dit le forgeron, qui, armé de sa lanterne, avait jeté un coup d'œil circulaire dans la cuisine. « Tiens, » s'écria-t-il tout à coup, « voici la fille. » Elle était là, sur le tas de guenilles, où je l'avais vue auparavant, et apparemment, elle ne pouvait ou ne voulait répondre. Aloïs murmura qu'elle était possédée d'un démon muet.